بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 111 dans l'explication du charh de Kitab al-Tawhid, Qurrat Uyun al-Muwahidin du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala. Et donc on continue dans les explications dans le chapitre qu'on a commencé, et c'est le chapitre au sujet de Min al-Shirk billahi an-nadhru li ghayrillah, et c'est le chapitre 12. Donc c'est-à-dire le fait de faire des vœux pour autre que Allah, cela fait partie du shirk. Et on a donc cité des différentes paroles de différents ulama, de différents madhahib, et on était en train de citer au dernier cours les paroles du Cheikh Qasim al-Hanafi dans son charh Durarul Bihar. Et ensuite, on lisait justement lorsqu'il disait إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. Donc on expliquait que tout ce qui est pris à l'endroit des tombeaux des soi-disant saints et que les gens donnent en offrande pour se rapprocher de ces saints-là, que ce soit de l'argent, que ce soit de la cire ou des chandelles ou de l'huile pour allumer des lanternes ou autre, eh bien tout ça c'est haram selon le consensus des musulmans. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit, donc je ne suis pas certain si on avait lu ça, mais je crois que on l'avait lu. On l'avait lu cette partie-là quand le Cheikh il explique qu'il cite des différentes citations de différents ulamas, des différents madhahib. On avait lu cette partie-là. Et donc je crois que là où on est rendu maintenant, c'est il dit wa naqalahu anhu Ibn Nujaym fi bahr al-ra'iq wa naqalahu al-murshidi fi tadhkiratihi wa ghayruhuma anhu wa zad وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. Donc le cheikh il explique que cette citation qu'on a mentionnée du cheikh yani Qasim al-Hanafi, elle a été également citée par Ibn Nujaym dans Al-Bahr al-Ra'iq. Le cheikh al-Fawzan il dit à ce sujet-là, Ibn Nujaym, c'est un savant Hanafi. Il dit Ibn Nujaym Hanafiyun wa wada'a qawa'id lil madhhab al Hanafi, qawa'id Ibn Nujaym wa huwa 'alim mashhur. Naqala hadha 'an al-Sheikh Qasim al-Hanafi. Donc cette citation elle a été citée par Ibn Nujaym. Et Ibn Nujaym c'est un savant Hanafi, un savant du madhhab Hanafi, et il a établi les fondements du madhhab al-Hanafi qui sont connus sous le nom de Qawa'id ibn Nujaym. Et donc c'est un grand savant qui est connu, et il a rapporté cette parole du Cheikh Qasim al-Hanafi. Ensuite il explique que Al-Murshidi l'a également cité dans son livre, sa Tadhkira, et d'autres également l'ont rapporté de lui. Et il a rajouté que beaucoup de gens ont été éprouvés par ce genre de choses, c'est-à-dire les exemples de shirk ou de bid'a que les gens font au niveau des tombes et des choses de ce genre. Et il explique en particulier lors de la célébration du Mawlid de celui qu'ils appellent Al-Badawi, le soi-disant saint que les soufis adorent en dehors d'Allah. et qui est enterré dans la ville de Tanta en Égypte. Et beaucoup de gens vont là-bas chaque année faire des pèlerinages. Hein, et Allah al-Musta'an, beaucoup de bid'a et de shirkiyat. Allah al-Musta'an. Donc, il mentionne ici à ce sujet-là que يعني il dit Ibn Nujaym ومن جاء بعده يقولون إن هذا قد زاد البلاء فيه قد زاد البلاء فيه وتنوع كما يفعل أو كما يفعل عند قبر البدوي في يوم مولده يعلمون الموالد أو يعملون نعم يعملون الموالد للأموات ويفعلون في هذه الموالد المنكرات والشركيات. Donc ici le cheikh explique que Ibn Nujaym et ceux qui sont venus après lui, hein, ils ont expliqué que les malheurs qui se font, hein, des différentes formes de bid'a et de shirk, hein, envers les tombes et les saints et les morts, il dit que ces choses-là ont augmenté et se sont diversifiées également. Et de la même manière que ce qui est fait, par exemple, autour de la tombe de celui qu'on appelle Al-Badawi lors de la célébration de sa naissance ou de son anniversaire, yani les gens font toutes sortes de célébrations pour la mort de certaines personnes, et ils font dans ces célébrations toutes sortes de choses qui sont interdites et qui sont des formes de shirk, différentes manifestations de shirk et toutes sortes de bid'a également. Donc ça, c'est des choses qui se manifestent dans plusieurs pays musulmans. Et donc ici, le cheikh, il mentionne l'exemple de Al-Badawi en Égypte, mais on peut trouver en Égypte beaucoup d'autres bid'a semblables et toutes sortes, différentes formes de shirkiyat aussi, autour diverses tombes, et également dans d'autres pays musulmans, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, et également au Moyen-Orient et en Asie, et dans différents endroits aussi. Donc il y a malheureusement beaucoup de différentes formes de shirk et de bid'a qui se font dans ce sens-là aussi. Donc le cheikh, il mentionne ensuite, il dit وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير الله انتهى كلامه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري. Donc on va traduire ce passage. Il mentionne le cheikh Abdurrahman ibn Hassan que un autre cheikh parmi les ulama al-hanafiyin, ici il y a le cheikh Sanu'ullah al-Halabi al-Hanafi rahimahullah. Et Cheikh Al-Fawzan, il mentionne à son sujet, il dit « هذا من علماء مكة وهو حنفي المذهب متأخر لأنه بعد الألف أظنه في المئة بعد الألف وله كتاب مشهور طبع أخيرا في هذا الموضوع وهو كتاب سيف الله على كذب على من كذب على من كذب على أولياء الله نعم Saifullah ala man kadhaba ala awliya illah. Naam. Donc le cheikh, il dit que ça, c'est le cheikh Sanu'ullah al-Halabi, c'est un parmi les mashaykh de Mecca, et c'est un parmi les ulama du madhhab al-Hanafi, et il est venu dans les années récentes, c'est-à-dire que ça fait pas trop longtemps que il est décédé, rahimahullah, dans les années 1000 et quelques, hein, peut-être 1100 environ. Donc ça fait à peu près 300 ans environ, dans ces environs-là. Et le cheikh, il a écrit, il est mort exactement en l'an 1120 de la Hijra. Et il a écrit un livre, cheikh Al-Fawzan, il dit, il a écrit un livre qui est célèbre, qui a été récemment publié à ce sujet, et qui s'intitule « L'épée d'Allah sur celui qui a menti contre les awliya d'Allah ». Hein, contre les serviteurs rapprochés d'Allah. Et donc, Sana'Allah al-Halabi al-Hanafi, il réfute ceux qui permettent de faire des sacrifices et des vœux aux saints et aux hommes pieux. Et il dit dans ce qu'il a écrit à ce sujet-là que le fait de faire des sacrifices et des vœux, si c'est fait au nom d'une personne, alors à ce moment-là, c'est pour autre que Allah, et par conséquent, c'est quelque chose qui est faux. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 121 dans Surat Al-An'am, ce qui signifie, et ne mentionnez pas ce sur quoi on n'a pas mentionné le nom d'Allah. C'est-à-dire, ne mangez pas l'animal sur lequel on n'a pas mentionné le nom d'Allah Azza wa Jal. Et dans un autre verset qui est le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, dit au Muhammad, certes, ma salat, mon jeûne, ma vie et ma mort, pardon, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, et il n'a pas de partenaire. Donc, ça c'est clair dans ce verset-là que le sacrifice doit être fait uniquement pour Allah Azza wa Jal, puisque c'est une adoration. Et le cheikh explique ensuite que le vœu pieux qu'on fait pour autre que Allah, eh bien, ça rentre dans le shirk avec Allah, de la même manière que le sacrifice qu'on fait pour autre que Allah rentre dans le shirk aussi. Et cheikh Al-Fawzan, il explique à ce sujet, à propos du, premièrement, du verset, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Il dit الذي يذبح للقبور ذبح لغير الله. À propos du verset aussi précédent, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Et aussi dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit وما أهل به لغير الله. Donc tout ce qui a été sacrifié pour autre divinité, comme offrande pour une autre divinité, ou ce qui a été sacrifié sans qu'on ait mentionné le nom d'Allah dessus, on a égorgé un animal sans mentionner le nom d'Allah dessus. Il dit le cheikh que ce qui a été égorgé pour les tombes, hein, et qui a été sacrifié pour les tombes, ça rentre dans ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah. Et donc cette viande, qui a été, cet animal, sa viande est, elle est illicite, elle n'est pas halal, parce qu'elle n'a pas été égorgée pour Allah Azza wa Jal, et elle a été égorgée pour yani une créature. Donc ça veut dire que c'est du shirk avec Allah Azza wa Jal, et par conséquent yani c'est de la viande morte, c'est pas de la viande halal. Ensuite, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit كَذَلِكَ النَّذْرُ إِذَا نَذَرَ لَهُ مَالًا فإن هذا النذر يكون شركا لأن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل فإذا كانت هذه أقوال الأئمة من غير الحنابلة في هذا الموضوع فالذين يقولون إن هذا من المذهب الحنابلة أو مذهب الوهابية فهذا من المغالطات لأن هذا موجود في كتب الحنفية والشافعية والمالكية والمذاهب الأربعة إذا تتبعتها وجدت هذه الأقوال فيها فلم ينفرد به الحنابلة Donc ici, Cheikh, il mentionne un point important et très intéressant. Premièrement, il explique que les vœux qui sont donc faits pour autre que Allah Azza wa Jal, si c'est de l'argent qui a été offert dans ce vœu-là, c'est yani, ou autre, yani, c'est du shirk avec Allah Azza wa Jal, parce que le nadr, le vœu qu'on fait, les vœux pieux, sont une adoration. Et l'adoration ne peut être que pour Allah Azza wa Jal. Si elle est offerte pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Hein? Et le Cheikh explique que on a maintenant mentionné différentes paroles des imams de différents madhahib, hein, autres que le madhhab al-Hanbali. Hein, autres que le madhhab al-Hanbali à ce sujet. Et le Cheikh, il dit, donc ceux qui disent par exemple ça, c'est ces paroles-là ou ces positions-là, ce sont les positions du madhhab al-Hanbali, ou que c'est le madhhab des Wahhabiyyah, hein, les Wahhabites comme ils les appellent. Il dit ça, c'est une erreur, parce que c'est les mêmes propos, hein, et les mêmes positions se retrouvent dans les livres des madhhab des imams, dans tous les imams. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire qu'on retrouve ces mêmes explications et ces mêmes propos dans les livres des Hanafiyya, les livres des Shafi'iyya, les livres des Malikiyya. Hein? Et donc, dans les quatre madahib, si on recherche dans ces livres et si on vérifie, on va trouver les paroles des ulama de tous ces madahib qui indiquent que de faire des sacrifices pour autre que Allah et de faire des vœux pieux pour autre que Allah, c'est du shirk. Hein? Et que c'est haram. Et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ce n'est pas spécifique au madhhab al-Hanbali ou au madhhab al-Hanbali ou bien à ceux qu'on appelle les Wahhabiyyah. Hein? Parce que les gens de Bid'a, ils ont essayé de ils ont essayé de qualifier tous ceux qui appellent au tawhid et qui réfutent le shirk. Et tous ceux qui invitent à la sunna et qui mettent en garde contre les innovations et les bid'ah dans la religion, eh bien, ils les qualifient de wahhabiyya. Et pourquoi ils les appellent des wahhabiyya? C'est pour faire peur aux gens, hein, pour leur faire croire que ce à quoi on appelle, c'est quelque chose qui est une secte, ou c'est quelque chose qui est limité à un petit groupe de personnes qui suivent un individu, yani en particulier Muhammad ibn Abdul Wahhab, et que ça c'était quelque chose qui lui était spécifique. Or, tout musulman qui est honnête et qui est sincère et qui connaît la vérité à ce sujet-là, eh bien, il sait très bien que les positions du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, eh bien, ne sont pas ses positions à lui seulement, mais bien entendu, la position des salafs, elle est la même, et la position des ulama et des fuqaha des différents madhahib, c'est la même position également. Et donc d'essayer de faire passer ce cheikh-là ou bien les ulama de l'Arabie Saoudite pour des extrémistes ou bien pour essayer de faire croire qu'ils sont sur un islam qui est différent de l'islam, du reste des savants de l'islam dans le passé et à l'époque actuelle, ça c'est une tentative de la part de ceux qui veulent justement éloigner les musulmans de l'islam et de la sunna en particulier. C'est une de leurs tentatives pour faire ça et une de leurs ruses pour justement éloigner les musulmans de l'islam authentique et leur faire pencher vers des innovations et les passions et toutes sortes d'égarements en faisant des sobriquets ou en donnant des surnoms de ce genre aux gens qui suivent la sunna. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ça, justement il faut faire attention et aller s'accrocher à la sunna, peu importe comment on se fait qualifier par la suite ou de quel nom on se fait traiter, même si on nous traite de wahhabi ou d'autres noms comme ça. Il faut savoir que l'important c'est pas les appellations qu'on nous donne, mais c'est la réalité qui est derrière, d'accord? Donc, quand ces gens-là ils disent un tel c'est un wahhabi, il faut lui dire mais c'est quoi la wahhabia? En quoi la wahhabia ou ce que vous appelez wahhabia contredit le Coran et la Sunna et la aqida des salafs et leur méthodologie? En quoi ça contredit? Donc, s'il n'y a pas d'éléments qui sont mentionnés ou de preuves qui sont mentionnées ou avancées pour justifier cette critique ou cette appellation, eh bien, c'est clair qu'on la rejette, hein? Et on ne tient pas compte de ceux-là. Naam. Donc, le cheikh, il explique ensuite et il dit Naam. وَالنَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ إِشْرَاكٌ مَعَ اللَّهِ كَالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ انْتَهَى. Donc, le fait de faire des vœux pour autre que Allah, c'est du shirk, comme le fait de sacrifier pour autre que Allah, ça, on a déjà mentionné. Ensuite, le cheikh, il dit وَفِي الصَّحِيحِ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري. Donc ici le cheikh il mentionne ensuite le hadith qui a été mentionné dans le début, donc dans l'introduction, dans le chapitre. C'est le hadith de Aisha radiallahu anha. Et elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque a fait un vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéit, et quiconque a fait un vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. » Et c'est rapporté par dans le sahih, c'est-à-dire dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, à ce sujet-là, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ مَنْ نَذَرَ مَثَلًا أَنْ يَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ رَاتِبِهِ دَائِمًا ثُمَّ لَمَّا نَجَحَ وَتَوَظَّفَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْوَفَى بِنَذْرِهِ فَوَرَّطَ نَفْسَهُ المسكين ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال لا تنظروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لو لم ينظر كان في سعة إن حصل عنده زيادة من الراتب تصدق وإن لم يحصل عنده زيادة فليس بملزم ولكنه بالنذر أصبح ملزما. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a fait le vœu qu'il allait obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, c'est-à-dire que, parce qu'on a expliqué que le nadr en islam c'est le fait de s'imposer à soi-même quelque chose qui n'était pas obligatoire dans l'islam, hein? C'est-à-dire de s'imposer quelque chose ou de se rendre à soi-même obligatoire quelque chose qui à la base de la religion n'était pas obligatoire en soi. Et donc lorsqu'on fait un vœu pieux, hein, comme par exemple quelqu'un qui aurait dit je m'impose à moi-même pour Allah de donner en sadaqa la moitié de mon salaire toujours, hein, c'est-à-dire de façon continuelle. Et donc si la personne par la suite elle travaille puis elle n'a pas été capable de respecter ce vœu-là, alors qu'est-ce qui est arrivé? Ça veut dire qu'elle s'est mise dans l'embarras, hein? Cette personne-là, ce malheureux-là s'est mis dans l'embarras parce que il s'est imposé à lui-même quelque chose qu'il n'est pas capable de, hein, de respecter parce que c'est trop difficile pour lui. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une personne, il interdit aux gens de faire le nazr de façon générale, dans le sens que yani c'est une chose qui, lorsque tu le fais, risque de te mettre dans la difficulté si tu n'es pas capable de le respecter. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, comme c'est rapporté selon Ibn Hibban dans son sahih, il dit La tanzuru, ne faites pas de vœux pieux, ne faites pas de nazr, parce que le nazr ne ramène pas de bien. et c'est uniquement une façon de faire sortir quelque chose de la personne avare, de faire sortir d'une action ou du bien d'une personne qui est avare. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas faire de sadaqa ou elle ne veut pas faire d'extra dans l'adoration. Donc, elle se l'impose à elle-même pour se forcer à le faire, parce qu'en temps normal, elle ne le ferait pas. Donc, c'est comme si elle était avare de faire le bien. Et c'est pour ça que, à la base, quelqu'un est déconseillé de faire le nazar. Mais une fois que la personne l'a fait, alors, à ce moment-là, ça devient une obligation pour elle de respecter son vœu. Et il dit, si la personne n'avait pas fait le vœu pieux, elle aurait été dans l'aisance d'une certaine façon, c'est-à-dire que elle n'a rien à s'imposer à elle-même et elle a uniquement à respecter ce qui est à la base obligatoire. Donc c'est quelque chose qui est plus facile. Mais lorsqu'elle s'impose à elle-même quelque chose, eh bien là ça devient difficile pour elle. Alors si par exemple une personne il a un surplus d'argent dans et que il a un surplus d'argent par rapport à son salaire et il est en mesure de donner en sadaqa, alors il donne en sadaqa. Mais s'il n'a pas les moyens ou n'est pas capable ou il n'a pas de surplus pour donner, il n'est pas obligé de le faire. C'est pour ça que s'il fait un nadr, maintenant ça devient obligatoire pour lui, donc ça devient difficile. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est déconseillé. Et le cheikh il dit ensuite وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّذْرُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ نَذْرُ طَاعَةٍ وَنَذْرُ مَعْصِيَةٍ وَأَنَّ نَذْرَ الطَّاعَةِ يَجِبُ الْوَفَاءَ بِهِ وَأَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءَ بِهِ فَلَوْ نَذَرَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقْ يَصُومُ وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي الضُّحَى يصلي بعد الظهر يصلي في غير أوقات النهي يجب ذلك أما من نذر أن يعصي الله كمن نذر أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يسرق إلى آخره فهذا نذر حرام لا يجوز له الوفاء به. Donc le fait que le prophète a dit celui qui a fait le vœu qu'il obéisse à Allah alors qu'il lui obéisse, et celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah alors qu'il lui désobéisse. Il dit, le cheikh, que ça c'est la preuve que le nadr se divise en deux catégories. Le nadr d'obéissance et le nadr de désobéissance. Le nadr d'obéissance, il est obligatoire de le respecter. Et le nadr de désobéissance, il n'est pas permis de le respecter. Et si une personne a fait le vœu, par exemple, de faire une sadaqa, de jeûner, de faire le hajj, de faire la umrah, de faire la salat la nuit, ou de prier la prière de duha, ou de faire la salat après le zohor, ou en dehors des temps interdits, alors à ce moment-là, c'est obligatoire pour lui de le faire. Tandis que celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, comme si quelqu'un fait le vœu de boire de l'alcool ou de faire le zina ou de voler. Alors ça, c'est un vœu qui est haram. Il n'est pas permis pour lui de respecter ce vœu-là. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit... Ah non, il y a un autre passage. Wa alaykoum salam. Le cheikh Al-Fawzan, il continue. Il dit... كَمَا دَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَىٰ أَنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله سماه طاعة وسماه معصية فدل على أنه عبادة فإذا كان عبادة كان يجوز أن ينظر لغير الله فلا يجوز نعم فإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينظر لغير الله أن ينظر للقبر الفلاني أو ينظر للشجرة الفلانية ولكذا وكذا لا يجوز يعني نذر مبلغا من المال يوضع في صندوق نذر الحسين لا يجوز هذا حرام أو يذبح عشر من الإبل عند قبر الحسين، هذا نذر معصية، لا يعني شرك لا يجوز، هذا شرك، هذا نذر معصية وشرك لا يجوز. أو نذر، أو نذر أن يتكلف بتكاليف إضاءة الضريح، هذا نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لا يجوز إضاءة القبور والمقابر، لأن هذا يبعث على الغلو فيها. لو نذر بخورا للقبر الفلاني فهذا حرام لا يجوز. وأما وما أكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية الباطلة، لكن نذر، لو نذر بخورا للمسجد هذا طيب، يجب الوفاء به لأن هذا طاعة. Donc le cheikh il dit que il y a la preuve dans ce hadith que le nadhr est une adoration, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, il l'a appelé obéissance et il l'a appelé désobéissance. C'est la preuve donc que c'est une adoration, et que si c'est une adoration, il n'est pas permis de le faire pour autre que Allah. Et que celui qui le fait pour la tombe d'un tel ou pour un arbre en particulier parmi les arbres, il n'est pas permis de le faire. Celui qui a fait le vœu de donner un montant d'argent pour mettre dans une boîte, qui a donné comme un vœu par exemple à la tombe de Al-Hussein, il dit ça c'est haram. Ou qui a donné un vœu de sacrifier 10 chameaux pour la tombe de Al-Hussein. Il dit ça c'est un nadr de désobéissance et c'est du shirk et ce n'est pas permis. Hein? Et justement, il y a un, aujourd'hui, je voyais ça, une vidéo que quelqu'un a mis sur YouTube d'un gars qui fait des voyages dans différents pays. Et il est allé dans quelques pays musulmans, différents pays musulmans. Et là, dernièrement, il est parti en Iran et en Irak. Et là, il était... hier, il a posté, ou aujourd'hui, il a posté une vidéo de l'Irak. Et il est allé à Karbala, où il y a la tombe de Al-Hussein et la tombe de d'autres parmi leurs imams, les imams des Shia. Et tu vois le shirk et les bid'as que les gens font là-bas, parmi les rafidah shi'a qui vont adorer les morts et les tombes. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et je lisais les commentaires qui ont été laissés par certaines personnes quand ils parlent de l'adoration des saints ou des imams, et qu'ils disent que les shi'a ils viennent là pour adorer leurs imams. Et il y en a un qui n'a pas aimé ça, hein, que quelqu'un dise ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas qu'on mentionne que ce qu'ils font, c'est de l'adoration pour les imams. Et ils disent, on adore Allah, on n'adore pas les imams. Mais la réalité de ce qu'ils font, c'est d'adorer les imams. Ils adorent ces imams-là, ils les adorent en dehors d'Allah. Hein, ils adorent leur tombe, et ils font du shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce gars-là qui fait ces vidéos-là, Il est même pas musulman d'après ce que j'ai compris, parce qu'il était allé dans différents pays. Il a mentionné qu'il n'était pas musulman dans ses vidéos. Donc je crois qu'il n'est pas musulman, mais il aime voyager, puis il aime aller dans différents endroits. Puis là, il est allé chez les Rafidah et il a montré leur shirk. Hein? Donc c'est quelque chose, yani, quand tu vois ça là. Donc on voit des exemples de ça, et tu vois aussi des vidéos, même d'autres vidéos que celle-là, des choses qu'ils font les shi'a quand ils vont à Karbala, quand ils font, à chaque année ils font là-bas comme un pèlerinage, et c'est vraiment, ils l'appellent ça comme ça, ils l'appellent un pèlerinage. Et ils font ça aussi à Najaf, la tombe de Ali radiallahu anhu, et ils font ça aussi à la tombe de l'autre, d'autres de leurs imams shi'a, les imams des shi'a. Donc ça c'est des exemples de shirkiyat et de bid'a. Et ils font des vœux là-bas, ils donnent des vœux pour ils font des sadaqat pour les tombes et des choses comme ça. Donc le cheikh, il dit, celui qui fait ce genre de vœu, et celui qui fait le vœu de donner, par exemple, de l'argent pour éclairer les tombes, il dit ça, c'est un nadr, un vœu de désobéissance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui prennent les tombes comme des mosquées ou des lieux de culte, ainsi que qui mettent des chandelles ou des éclairages dans les tombes. Donc les cimetières n'ont pas le droit d'être éclairés en islam. On n'a pas le droit de mettre de la lumière dans les tombes ou dans les cimetières. Et il dit, parce que c'est le fait de faire ça, c'est quelque chose qui amène les gens à tomber dans l'extrémisme et dans l'exagération envers ces tombes-là. Et il dit, si quelqu'un avait fait le vœu de donner de l'encens, par exemple, pour la tombe d'un tel parmi les saints, il dit ça, c'est haram, c'est pas permis. Et il dit, tandis que si quelqu'un faisait un vœu pour donner du bukhur ou de l'encens pour les mosquées, il dit ça, c'est permis, ça c'est bien de le faire, parce que c'est une obéissance. Mais de le faire pour une tombe et les tombeaux, ça c'est pas permis. Hein, ou les oratoires, comme ils les appellent. Donc, dans les livres des chiites, ils mentionnent que pour eux, il y a un autre Coran. Ils l'appellent Mushaf Fatima. Ils disent que le Mushaf que nous, on a maintenant, ça, c'est pas le vrai. Pourquoi? Parce que ils disent que celui-là, c'est Abu Bakr, Omar et Uthman qui l'ont changé. Ils disent, le vrai Mushaf, c'est pas lui. Parce qu'ils disent, dans le vrai Mushaf, c'était écrit que Ali, c'est lui qui doit être l'imam. Et que les autres sahaba, ils l'ont changé. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Et aussi, ils ont leur propre livre de hadith. Les chiites, ils ont leur propre livre de hadith. Parce que pour eux, les sahaba sont des kuffars. Donc, puisque pour eux les sahabas sont kuffars, ils ne peuvent pas accepter les hadiths qui sont rapportés par les sahabas. Donc, ils ont leurs propres hadiths. Et la plupart de leurs hadiths, yani, ils n'ont pas de chaîne de transmission. C'est les paroles de leurs imams. D'accord? Et ils ont des livres, eux, de comme ils ont inventé des livres de Jarh al-Ta'dil, comme on appelle. Mais tous ceux qui sont critiqués dans ces... Les narrateurs qui sont critiqués, c'est les sahabas. Ils ne les considèrent pas authentiques. Parce qu'ils considèrent que parce qu'ils n'ont pas choisi comme khalifa Ali, radiallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous devenus kuffars. D'accord? Oui, exactement. Oui, non, c'est une autre religion. C'est leur religion, c'est une autre religion. Eux, il y a, avant même le Coran et la Sunna, il y a les paroles de leurs imams, puis c'est ça leur référence. C'est ça le madhab qu'ils appellent le madhab des Shia, Rafida. Ils disent que c'est le madhab al-Ja'fari. Ils essaient de prétendre qu'ils ont un lien avec Ja'far al-Sadiq. Hein? Alors que en réalité c'est faux, puisque Ja'far al-Sadiq il n'était pas chiite. Hein? descendants de Ali, mais il était sur la Sunna, il n'était pas chiite. Donc tout ça pour dire, yani, c'est souvent comme ça. C'est comme Ali, radiallahu anhu, il n'était pas chiite, ni Al-Hassan ou Al-Hussein, c'était pas des chiites. Mais eux, ils les vénèrent pour faire croire aux gens que eux, c'était des chiites, mais ça n'a rien à voir. Hein? Ouais, exactement. Donc, à la kulli hal, yani, le cheikh, il dit, « وما أكثر من ينظرون هذه النظور الشيطانية الباطلة » Il dit, comme ils sont nombreux, ceux qui font ce genre de vœux pieux là, qui sont pas des vœux pieux en réalité, mais qui sont des vœux diaboliques en réalité, qui sont totalement faux. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit en islam.